Le moulinage en chantier. Une émission proposée par le collectif du moulinage de Chirol. Alors Mia, est-ce que le moulinage, il est beau ou il est moche ? Il est beau. Est-ce que le moulinage, il est grand ou il est petit ? Il est grand. Est-ce que le moulinage, il est propre ou il est sale ? Il est propre. Le moulinage, si c'était un animal, ça serait quoi comme animal ? Un éléphant. Si c'était une couleur, ça serait quelle couleur, le moulinage ? Rose. Alors le moulinage, c'est un éléphant rose ? Oui. Moi, c'est Renaud. Je suis arrivé dans le collectif en 2016. Pour moi, le moulinage, c'est un groupe de potes, même si à la base, on n'était pas du tout des potes, on s'est rencontrés, qui essayent de créer quelque chose qui soit une alternative à la communauté, comme on l'a vu dans les années 70, un truc un peu plus réel, à la fois utopique, mais ancré dans le présent. Et du coup, c'est quelque chose qui est faisable. Moi, je suis quelqu'un qui ne cherchait pas un collectif. Je cherchais à acheter une maison à Chirol, enfin à construire une maison en bois, ça ne s'est pas fait. Et j'ai rencontré tous ces gens qui m'ont paru bien sympas. Je suis rentré dans le projet au début un petit peu pour découvrir. Et en fait, c'est les gens qui m'ont fait y rester. Ce n'est pas du tout la nature du projet. Parce que les bâtiments de Chirol ne m'intéressaient pas du tout, tout en béton. Il n'y avait pas de jardin, c'était assez gris. Donc là, j'en dresse un tableau un peu naze, mais c'est pour bien préciser que c'est pas les bâtiments qui m'ont intéressé, c'est les gens. Ouais, c'est la dynamique des gens qui m'a intéressé. C'est leur folie à tous et le fait que ce groupe arrivait à bien s'entendre malgré les différences, malgré des montées en émotion, malgré des exigences différentes, on arrivait à trouver des consensus ou des consentements qui marchaient. Et ça, du coup, c'était un truc qui m'a paru vachement beau, vachement chouette. Bienvenue dans cette deuxième émission du Moulinage en chantier, l'émission proposée par le collectif du Moulinage de Chirol. Dans cette émission, à peu près mensuelle, on a eu envie de vous parler de nous et de notre aventure, mais pas que. Parce que parler d'un projet qui se monte localement, un projet d'habitat collectif ouvert sur le territoire avec de l'accueil du public et une grosse envie d'expérimenter plein de manières de faire ensemble, eh bien, parler d'un projet comme le nôtre, c'est forcément parler aussi de ce qui nous a amenés là, parler des initiatives similaires qui existent ailleurs, parler des personnes ressources sur le territoire qui ont aidé ce projet à voir le jour, parler de l'histoire des lieux qui nous accueillent, écouter les histoires des gens qui y ont vécu et travaillé avant nous. Et puis, parler de tant d'autres choses qui sont en lien avec ce projet tentaculaire, avec tous les espoirs qu'il porte, avec cette folie qui nous embarque, qui nous effraie parfois et nous émerveille souvent. Dans la première émission, on a commencé à évoquer tout ça, en mélangeant passé, présent et futur. Eh bien, on va continuer. En donnant la parole principalement à des personnes extérieures au collectif, mais qui portent une histoire et une expérience de vie locale qui forment un tout avec ce que nous construisons. On va aussi parler de ce qui entoure ces bâtiments industriels, cette ancienne usine de soie de près de 5000 m². Au cours de cette émission et des suivantes, on va évoquer la vie sur les Faïs, ces terrains en terrasse qui ont nourri le sud de l'Ardèche à une époque où la population y était 3 fois plus importante qu'aujourd'hui. C'est assez fou à imaginer, dans un village pourtant dynamique, qui compte aujourd'hui un peu moins de 300 habitants. Mais il y a eu à Chirol jusqu'à 900 habitants aux alentours de 1880. Des Chirolaines et des Chirolins qui vivaient, se nourrissaient et qui pour la plupart travaillaient aussi sur la commune. L'effet de cet exode rural s'est étalé sur près d'un siècle. À l'échelle de tout le département de l'Ardèche, c'est dans les années 60 que s'est faite l'inversion de courbe, c'est-à-dire le moment où la population a cessé de diminuer et que le département a commencé progressivement à se repeupler. Mais, à l'échelle du village de Chirol, la population a continué à baisser jusque dans les années 90. Et depuis, pas de hausse, disons, significative. Alors, la perspective de l'arrivée potentielle et progressive d'une petite trentaine de nouveaux habitants dans les futurs appartements du moulinage, comme celle de la construction de l'écoquartier qui est aussi en prévision sur Chirol, tout ça va changer la donne et va forcément participer à redynamiser encore un territoire où depuis 10 ans, il se passe déjà plein de choses. Avec l'installation du fournil des copains, du marché de producteurs, de la brasserie de l'Alouette, dont on entendra un des fondateurs dans la troisième émission, mais chaque chose en son temps. Ils sont plusieurs, installés pour certains depuis les années 70, à faire des jus de fruits à Chirol, des jus de pommes et de poires surtout. Lui, il s'appelle Naka Ramanoelina, dit Naka ou encore Nak pour les intimes. C'est une figure du village, très en lien avec les anciens, et c'est d'ailleurs lui qui nous a aidés à rencontrer certains d'entre eux que l'on pourra entendre au cours de ces émissions, dont Marcel Bonneau, qui tenait une des supérettes à Chirol et que l'on entendra dans quelques dizaines de minutes. L'émission précédente s'ouvrait sur un portrait d'Yves Paganelli. Eh bien, aujourd'hui, c'est Naka qui nous emmène en balade dans les Faïs. On va directement au salon, si tu veux. Là, je te suis. J'ai un peu la tête dans les feuillages, mais c'est habituel chez moi. Dans les vignes. Ouais, ça c'est de l'Isabelle. Un cépage ancien. Je crois qu'il n'y en a pas que en Cévennes. Parce que quand je suis retourné à Madagascar, j'ai été à la recherche de ma famille et j'ai trouvé mon parrain. J'ai cherché dans la capitale et tout, et en fait il habitait une maison et il y avait une immense traie de raisins, et il me dit que c'était l'Isabelle. Ça fait combien de temps que t'as aménagé tout ça? Bon, petit à petit, je sais pas, 10 ans, ouais, peut-être. Mais je suis pas tout seul là, au début j'étais tout seul, puis petit à petit, des voisins au-dessus qui ont... En résidence secondaire, ils ont demandé s'il pouvait avoir un bout de jardin. Donc il a commencé à falloir partager le territoire et l'usage de l'eau et tout ça. Je trouve ça intéressant. C'est quand même un thème qui me poursuit. Ouais, le partage du territoire, le partage des usages, la transmission. Parce que je suis né en France de l'immigration. Pas facile de faire sa place dans ce pays. Pourtant si accueillant. Et moi j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui avait une maison à la campagne, pas comme les autres immigrés qui restent coincés dans leur cité et tout ça. Et voilà, et donc j'ai tout de suite accroché vraiment à fond avec l'univers des petits paysans. Mais déjà en ville, j'étais toujours attiré par les ouvriers, parce que je savais qu'ils cachaient des gestes magiques, des gestes où tu alignes tes mains et ta tête en même temps, et ça m'a toujours fasciné. Et ici c'est vrai que les anciens c'était des artisans de la terre, de la pierre, du végétal, de l'eau, de plein de trucs, et moi je me sens en sécurité avec des gens, avec des anciens, parce qu'ils ont la terre, les pierres dans les mains. Toi t'as grandi où là? Paris et le Puy, ma grand-mère, ouais. Côté de mon grand-père maternel, c'est un tout petit hameau en Lozère aussi, dans un coin paumé. Des bouts de racines paysannes du côté français. Comme j'ai les bras très longs, je sais pas t'as remarqué. Quand j'étais gamin, j'étais tout le temps dans les arbres, à cueillir. Et puis même physiquement, on se moquait toujours de moi parce que j'avais des grands bras comme les singes. Sans faire exprès, je suis devenu cueilleur. D'arbre en arbre, c'est ça que j'essaie de me dire. C'est vraiment ça. Ouais. Merci, ouais. Puis en fait, quand je suis arrivé ici, je suis tombé sur cet espace qui est vanté par des gens comme Jean Giono dans tous les bouquins qu'il a écrits sur la richesse du monde paysan. J'ai commencé à mettre les mains, le cœur ici, ben, j'ai pas pu repartir, quoi, parce que c'était trop riche et trop... En fait, moi, je crois que les gens, ils m'ont peut-être plus facilement accepté, pour ceux qui m'ont accepté, parce que je suis un vrai étranger. Alors que ceux qui sont qu'à moitié, c'est pas trop, quoi. Enfin, en tout cas, c'est grâce à ça que j'ai fait des rencontres. Bah, la rencontre, au début, elle n'a pas été facile, parce que je faisais quand même partie d'un clan de hippies. Même si je n'appartenais pas à une communauté, j'avais une dégaine de hippies, 77. En fait, au bout d'un an, ouais, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi en Algérie, je suis revenu ici en 81. J'ai rencontré à Burzé le nouveau receveur des postes qui venait d'être nommé, qui venait de Marseille et qui débarquait voilà, dans ces montagnes avec des gens à rencontrer, mais lui et sa famille, ils étaient quand même en appétit de rencontres, de contacts humains un peu chaleureux, quoi. Il s'est trouvé que j'ai donné des cours de maths à sa fille pour me remercier. Il m'a demandé si je voulais bien qu'il m'embauche comme facteur, quoi, remplaçant. J'ai tout de suite dit oui, et donc j'ai enfourché une 4L et j'ai fait tous les hameaux de Burzet, Saint-Pierre-de-Colombier et toutes les petites routes, découvert tous les recoins, petites vallées, ces petits détours de partout, les saisons avec en automne une quantité de châtaignes et de pommes sur les routes que j'écrasais avec la bagnole du facteur. Voilà, tu vois, j'ai commencé déjà à écraser des fruits. Finalement, j'ai décidé de le faire avec des machines pour pouvoir mettre tout ça en bouteille ou en bocaux. Voilà, ça m'a aidé beaucoup d'être facteur. Mais ça a beaucoup aidé les gens pour me dire, bon, lui, on connaît Monsieur Nac. Vous écoutez Le Moulinage en Chantier, l'émission du moulinage de Chirol sur Fréquence 7. Non, mais j'aurais pu me casser le nez très fort, parce que c'est inévitable quand tu es facteur dans les années 80, années au cours desquelles il y avait encore beaucoup de monde dans toutes ces petites routes, dans ces petits hameaux, et le facteur, on lui paye un coup à boire, quoi. Et si le voisin a payé un coup à boire, moi aussi je paye un coup à boire. Quasiment systématiquement, je rentrais complètement ivre à la maison, et il fallait que je fasse la sieste l'après-midi, parce que mon travail, c'était aussi de partager des canons et des petits verres d'alcool de prune et tout ça, et ça me rendait terriblement heureux de pouvoir rentrer dans les caves et tout ça. Ça, j'ai une fois professionnelle de refuser cette prune. Presque, oui. Ah oui, non. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Tu peux pas descendre de ta voiture comme facteur. Ou alors, il faut vraiment être obligé, comme à Chirol. Il y a une petite rue où tu peux pas y aller en voiture. Enfin, tu peux y aller, mais ça prend presque autant de temps de manœuvrer. Du coup, c'est le seul endroit sur la tournée du facteur où il descend de sa voiture. Bon, là, au moulinage, il descend de sa voiture aussi, mais tu vois, les boîtes sont toutes au même endroit. Celle des copains, celle de l'écomusée. Peut-être d'autres encore, je sais pas. Donc, autrefois, on s'arrêtait. On s'arrêtait et il fallait honorer la chaise qu'on vous tendait, le verre qu'on vous tendait, l'amitié qu'on vous tendait. Et il faut aussi honorer la méfiance, le bout de méfiance qui venait avec le bout d'amitié. Mais d'où vous venez et qu'est-ce que vous allez faire et tout ça. Enfin, voilà. C'est marrant, à chaque fois que je te pose cette question, il y a des cloches qui se mettent à sonner. Je te dis pas quand on est juste à côté, en dessous, là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend? Allez, vas-y quand même, il y aura des cloches. Ouais. D'accord, bon... Bon, l'usine de Pont-de-Verrières, bien sûr, je l'ai toujours vue sur ma route en allant, par exemple, de Burzet, là où j'ai habité pendant très longtemps, de Burzet à la supérette de Pont-de-Verrières pour acheter des clous ou de la colle ou tout un tas de choses qu'on trouvait vraiment facilement dans cette supérette. C'était génial, on n'avait pas besoin d'aller au Bonnat. Donc... à cette occasion-là, je pouvais voir de l'autre côté de la Fontolière cette grande usine, ce grand moulinage. Et moi, les moulinages, ça fait partie de mon activité professionnelle depuis le début. Parce que j'ai emprunté des vergers pendant très longtemps et énormément de vergers pour fabriquer du jus de fruits. Et j'avais besoin de... de locaux pour ranger mes échelles, mes caisses, mes pommes, mes bouteilles, voilà, plein de choses. Donc, une fois que j'avais l'autorisation d'occuper des vergers, c'est venu naturellement de demander aux propriétaires des moulinages si je pouvais leur emprunter un bout de local, de cave, de voilà. Donc j'ai occupé, je ne sais pas combien, 4-5 moulinages à Burzé et 3-4 à Aubenas, autour de Aubenas. Des moulinages qui n'étaient plus en activité. Oui, des moulinages plus en activité. Et donc, pour reprendre ce que je disais, quand je passais sur la départementale et que je voyais l'usine en face, c'est vrai que ça m'impressionnait parce que c'était un très grand moulinage par rapport au petit moulinage à Burzé. À Burzé, des fois, tu as des tout petits moulinages, il n'y avait que, peut-être que 12-15 ouvrières. Et là, c'était plutôt, je sais pas, 100, 150. En fait, je ne suis pas rentré dedans. Et je ne suis pas rentré dedans parce que ça m'impressionnait très fort, quoi, ce truc immense. Et ce qui m'impressionnait, c'est de savoir que tout ce monde que je côtoyais dans mon activité de cueilleur, je savais qu'ils travaillaient dans des usines. Je savais que Madame Simon travaillait dans l'usine dans tel moulinage, que Madame Tessier travaillait au Cairo, etc., etc. Et puis, dans le moulinage de Pont-de-Verrières, il y avait des centaines d'ouvrières, dont certaines que je connaissais sans doute, mais bon, pour moi c'était un monde qui m'échappait, qui m'intimidait, et un jour j'ai dû venir récupérer ici des cartons, c'était pour mettre des bouteilles vides que j'avais achetées au Pestrin, et il me fallait des grands cartons pour ranger ces bouteilles. Donc on m'a dit, va voir au moulinage de Chirol, tu crois? Bon, allez, je me suis lancé. J'ai approché avec mon fourgon, j'ai demandé au contremaître et tout. J'ai commencé à avoir une ou deux ouvrières que je connaissais de Burzé. Mais j'étais vraiment impressionné. Parce que, voilà, déjà le monde paysan, c'est un monde qui m'impressionne, qui me touche, comme je l'ai déjà dit. Mais qu'en plus de les voir dans une posture d'ouvrier, d'ouvrière, c'était encore quelque chose de leur richesse et de leur et aussi peut-être un peu de leur souffrance parfois, et je n'ai pas envie d'être un voyeur, donc ça m'a beaucoup intimidé d'avoir à rentrer dans ce moulinage. Voilà la première fois que je suis rentré, mais je suis vraiment rentré dans un local juste au début parce qu'on m'avait préparé les cartons. J'ai pas été voir combien il y avait de gens qui suaient, qui travaillaient à l'intérieur, quoi. Tu te rappelles un peu quand c'était, ça? Je pense que c'était entre 85 et 90. Vous écoutez Le Moulinage en Chantier, l'émission du moulinage de Chirol sur Fréquence 7. Pour notre collectif, qui a racheté les bâtiments du moulinage en mai 2019, tout ça sous forme de coopérative, en propriété collective, anti-spéculative et en vue d'un projet d'intérêt général et donc à visée non lucrative, il est important que la grille d'entrée de l'usine reste ouverte et que la cour du moulinage puisse être la continuité du parc afin que tout un chacun puisse venir s'y promener librement. Nous recevons ainsi régulièrement des visites. Curieux de passage, venus du coin ou d'ailleurs, ou bien travailleurs d'hier et d'aujourd'hui, que ce soit d'anciens salariés du moulinage qui, pour certains, n'avaient plus eu l'occasion d'accéder à l'usine depuis des années, ou bien de potentiels volontaires, partant pour venir nous filer un coup de main sur le chantier d'auto-réhabilitation. Lors de ces visites, on discute, et parfois, on décide de se revoir, comme ça a été le cas avec Josette, passée une première fois à l'improviste et qui depuis a eu l'occasion de revenir avec son mari assister à un spectacle cet été dans la cour du moulinage. Aujourd'hui, j'y ai donné rendez-vous à Josette, mais retrouvant l'usine qu'elle a bien connue dans sa jeunesse, Josette, curieuse et téméraire, est partie s'aventurer seule sur le chantier avec le regard brillant de la jeunesse retrouvée.

cette statue était en morceaux là, dans le enterrée dans la terre, enfin dans le compost. Ah, oui. Quoi, dans ah t'as trouvé des bouts de cette statue-là sur la photo. Ah ben moi je croyais que c'était un fanion là qu'ils avaient accroché. Ah, non, c'était une statue en genre de bas-relief quoi. Ça, je m'en rappelle pas. Ouais. Ah ouais, c'est là où il y a la réserve. C'est une belle photo. C'est assez magique, je trouve, de coller les et morceaux oui, du puzzle comme voilà. Ça. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, merci. Bonne visite. Comme le dit Mia, notre mini-moulineuse en chef est l'une des 6 permanents qui se sont déjà installés en habitat léger aux alentours du chantier. Au moulinage, on fait beaucoup de spectacles et surtout, on chante beaucoup. Josette nous raconte que de son temps aussi, on chantait. Peut-être un peu moins librement, mais avec un bon chef de chœur. Et puis ça, c'était une pièce de théâtre. Donc, c'était à la porte de l'entrée du théâtre. Moi, j'avais à dire, Anne, sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? Voilà. Donc, c'était une salle de théâtre où vous faisiez vous-même les spectacles oui. Ou alors, il y avait des comédiens d'ailleurs qui venaient jouer ? Non. C'était l'équipe de Chirol qui se manifestait. Il y avait un fils Plantevin. Il était maître chef d'orchestre. Donc, il nous apprenait à chanter. Il nous faisait chanter. Il y avait des chœurs de chant. Et lui, il était devant. Et on avait même concouru dans la... je ne sais plus où on était allé, en haut de l'Ardèche, dans le haut tournon ou quelque chose comme ça. Étant donné qu'on avait notre maître de chœur en face de nous, on n'avait pas gagné. Sinon, on aurait eu certainement le premier prix parce qu'on était vraiment bien entraînés, disons. Quoi. Donc c'était une chorale d'ouvrières. Voilà, oui. Et donc vous faisiez les répétitions, vous travailliez et voilà, après le soir. Le soir, voilà. D'accord, ouais, parce que vous restiez dormir ici. Les premières années, oui. On peut s'asseoir ainsi. Mais après... Quand on a eu les moyens de s'acheter un moyen de locomotion, avec ma sœur, on avait acheté un scooter, on rentrait tous les jours chez nous. Quoi. Non, je ne peux pas dire que ça m'ait marqué vraiment. Bon, c'était naturel, on sortait de l'école avec le certificat d'études, et puis l'usine, et puis voilà. Mais c'est vrai que j'ai été super enchantée quand... Vous les gardez les photos ou... Mais je sais pas, est-ce qu'on peut les garder juste pour les copier, les scanner ? Oui. Et puis je vous les rends. Voilà. Oui, bah oui, bien sûr. Oh, ben, oui, je sais pas si vous arriverez à tirer quelque chose. Et à combien de tontons et de tatas ? Comme ça. Wow, comme ça. Et c'est bien d'avoir beaucoup de tontons et beaucoup de tatas ou pas ? Oui. Oui ? Pourquoi c'est bien ? Et parce que ben, à Chirol ici, et j'avais la fête avec eux. Est-ce qu'on fait beaucoup la fête à Chirol ? Oui. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait la fête à Chirol ? On chante des chansons et on dit ça va commencer des spectacles qu'il faut pas faire du bruit. Ce n'est pas nous qui naviguons, c'est l'océan qui nous guide. Vous écoutez Le Moulinage en Chantier, l'émission proposée par le collectif du Moulinage de Chirol. Où est-ce qu'il nous transporte, nous mène-t-il à bon port ? Sur fréquence 7. Finalement, peu importe, on s'en remet à son sort. Rentrer chez moi, je déprime. À force de tourner en rond, mais un désir m'anime. J'aimerais voir l'horizon. Tous ceux qui le connaissent, d'autres fous sur terre sont prêts à quitter la rive. J'embarque sur le rafio. Et c'est le vent qui m'ennuie. Ce n'est pas nous qui naviguons, c'est l'océan qui nous guide. Quand j'habitais à Burzé, je bricolais, je réparais les maisons. Des fois, il me manquait la quincaillerie. Et ben, j'allais à la supérette de Perrache et Bonneau, là-bas. Et il fallait faire la queue, mais il y avait tout ce qu'il fallait. On n'avait pas besoin d'aller à Aubenas. Ils n'en avaient pas des perceuses, quoique ils en auraient bien été capables. C'est vrai qu'il y a plein de fois, on n'avait pas besoin d'aller à Aubenas pour acheter ne serait-ce que de la quincaillerie. Et toutes les ouvrières de l'usine venaient faire leurs courses là, mais on le croirait pas aujourd'hui, hein, mais vraiment c'était ça. À l'époque, je sais pas s'il y avait des bistrots. Je crois que j'ai jamais vu de bistrot ouvert, si quand même. Justement, à côté de la supérette, il y avait le bistrot du père de Jean-Louis Perge. Puis avec l'épicerie de Monsieur Rousset. Bon, voilà. Mais Chirol, c'est pas très grand. C'est pas comme Burzé où il y avait

Elle s'appelle Anna Pueyo. Elle ne fait pas vraiment encore partie du collectif, mais elle en est très proche, car elle a décidé de partir sur les routes à la rencontre de personnes ou de collectifs qui expérimentent l'activité ou l'habitat participatif en milieu rural, avec l'idée de développer un autre rapport à la terre, à la culture, au savoir, à la solidarité, au monde en général. Cette expérience, elle la raconte à travers des lettres. Un récit sous forme de correspondance qu'elle a accepté de partager avec nous dans le Moulinage en chantier. Dans chaque émission, nous découvrirons ainsi un nouvel épisode de sa quête. Anna Pueyo a choisi de confier la lecture de ses textes à d'autres voix. C'est Léa qui parlera en son nom. Pour pouvoir partir sur les routes, il m'a fallu gagner un peu ma croûte avant. Je sortais de deux saisons en tant qu'ouvrière agricole en maraîchage, où j'avais énormément appris, mais gagnais peu d'argent. J'aurais pu partir sans le sou, mais je ne me sentais pas prête à sauter dans ce vide-là. Ce n'était pas l'heure. Puis, avant même de commencer mes recherches, Philippe, un vigneron du village, m'a appelé. « Salut Anna, si tu es disponible, j'ai du boulot pour toi. » Voilà comment j'ai atterri dans une pépinière de plants de vigne. « L'usine en hiver, aux prémices du voyage !» Je cherchais ma liberté, j'ai atterri à l'usine. Ça, c'est tout moi. J'ai commencé en décembre en posture statique. On m'a dit « tu te postes là, comme ça, avec ton sécateur, ta table, ton voisin de table et tes plants en bois. Tu vas trier 8h20 par jour. Tu récupères ton tas de plants sur la palette, tu le poses sur la table, puis tu vérifies les plants un à un, que les greffons soient solides, que les racines soient robustes et déployées en cercle. Puis tu coupes au bout, à deux yeux, et tu envoies sur la machine. Ça commence à 7h45, ça finit à rebours. » J'ai dit ok. Les premiers jours, j'ai posé mon cerveau sur la table avec les plants. En fonctionnement intensif depuis 3 mois, il m'a dit merci. Tous les matins, sur le chemin, le mistral me souffle le secret de sa liberté. Ainsi, je vais pouvoir m'échapper. Mon corps entre en travail et mon esprit divague. Blague avec le voisin, voyage dans la vie d'autres gens, d'ici ou d'ailleurs, la poussière floute chaque image mentale de ma condition. Seule l'électricité qui parcourt mon poignet quand le tranchant du sécateur déracine les bois me rappelle mes limites corporelles. Et le froid, qui agite ses cristaux dans chaque hausse de mes doigts, de mes pieds. Dans ce grand hangar où n'existe ni le jour ni la nuit, dans ce grand placard où les néons déplacent le temps, parfois le figent, parfois l'étendent, je suis allée chercher ma liberté à l'usine, au milieu des nuages terreux, au milieu des rouages, pour ne pas laisser rouiller mes projets. Je découpe mes peurs au sécateur pour repartir neuve, révoltée, sûre de ce que je veux vivre et de ce que je veux laisser. Au passage, j'en profite pour me faire de nouveaux copains. Ici, tout le monde travaille plus pour gagner plus, car le temps, c'est de l'argent. Alors, faut que ça cadence, man. Mais la vraie valeur, c'est de nous regarder dans les yeux et de nous faire sentir que nous sommes quelqu'un. Je repars couverte de poussière, remplie de cristaux, nettoyée de mots, et sur le chemin, le vent me souffle le secret de sa liberté. Et je n'oublie pas. Anna Pueyo, décembre 2018. Ce n'est pas nous qui naviguons, c'est l'océan qui nous guide. Ce n'est pas nous qui naviguons, c'est l'océan qui décide. Où est-ce qu'il nous transporte, nous mène-t-il à bon port? Finalement, peu importe, on s'en remet à son sort. Nous arrivons au terme de cette deuxième émission du Moulinage en chantier. On est heureux de pouvoir partager avec vous un peu de tout ce qui se crée et se tisse dans ce projet par le travail actif sur le chantier, mais aussi par le temps que l'on prend pour se rencontrer, pour observer, pour écouter. Pour réagir à cette émission ou pour toute autre question sur le projet, ou encore pour venir nous filer un coup de main un mercredi sur le chantier, vous pouvez nous écrire à contact@lemoulinagedechirol.org. Vous pourrez réécouter et partager cette émission via notre site internet www.lemoulinagedechirol.org ou bien sur les réseaux sociaux. Sachez que sur notre site, vous pouvez également adhérer à l'association ou encore vous inscrire à la newsletter.